Question 11. Je peux rencontrer des enfants pendant les périodes scolaires. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pendant les vacances. Oui, réponse C. Non, réponse D.